إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on est au cours numéro 12 maintenant dans la lecture du livre Ar-Radd al-Shar'i al-Ma'qul 'ala al-Muttasil al-Majhul. Et alhamdulillah, il y a un frère de Paris qui a traduit la première partie du livre en français. Donc alhamdulillah, ça facilite pour les frères et les sœurs qui n'ont pas la capacité de lire l'arabe. Alhamdulillah, ça facilite pour vous. Et donc on va continuer inshallah. Le cheikh expliquait le point numéro 4 dans les nawaqid de l'islam, que celui qui croit qu'il y a une guidance meilleure que celle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ou qui croit que le jugement d'autre que le jugement du prophète sallallahu alayhi wa sallam est meilleur que le sien. Alors dans ce cas-là, il a préféré le jugement du Tawhid sur le jugement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et que ça fait partie des points qui annulent l'islam d'une personne. Donc il a expliqué ça par rapport au fait que Mustafa al-Siba'i, il dit dans ce qu'il a écrit, il dit dans ce qu'il a écrit que l'islam, il y a dans l'islam des théories qui sont en accord avec les législations civiles, et donc tout ce qui est en accord avec les législations civiles dans les, comme il appelle lui-même, des théories soi-disant islamiques, alors il les prend par rapport au fait que c'est en accord avec les législations civiles. Et non pas parce que il y en a de prendre les lois parce que ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala et que on doit les appliquer puisque ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala et que ça fait partie de la charia. Donc le cheikh, il critiquait cette parole-là, et il disait yani que d'agir de cette façon-là, c'est de rabaisser la révélation par rapport yani aux lois faites par l'homme, parce que c'est comme si tu dis que la loi faite par l'homme devient le juge par-dessus la révélation, et que c'est les lois faites par l'homme qui vont décider de ce qu'on va accepter ou non des lois du Coran. Et d'appeler les lois d'Allah théorie de cette façon, c'est quelque chose bien entendu qui est un manque de respect, et c'est de rabaisser la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le cheikh, il mentionnait que ça, c'est une attitude, le fait qu'une personne élève quelque chose au-dessus de la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est quelque chose qui fait partie des choses qui annulent l'islam de quelqu'un. Et là, il commente justement à ce sujet-là. Il dit: قُلْتُ وَالْأَدِلَّةُ عَلَى كُفْرِ مَنْ اعْتَقَدَ هَذَا الْاِعْتِقَادَ كَثِيرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهَا قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى اتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ وقوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقوله تعالى ويقولون آمنا بالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. نعم. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون. وقال تعالى ألف لام راء كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. وقال سبحانه والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. Donc ça c'est une série de versets. Le cheikh il dit l'épreuve de la mécréance de celui qui croit qu'il y a quelque chose de mieux que le jugement d'Allah et de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Les preuves de ça sont nombreuses dans le Coran et dans la Sunna. Et il mentionne des versets dans le Coran qui prouvent ce point-là. Et parmi les preuves qu'il mentionne, il mentionne le verset 2 dans Surat al-A'raf, ou le verset 3. Suivez ce qui vous a été descendu, hein, ce qui a été révélé de votre Seigneur. Et ne suivez pas d'autres alliés que lui. Mais vous vous souvenez peu. Donc ça c'est le premier verset. Ensuite il cite le deuxième verset, c'est le verset 65 dans Sourate An-Nisa. Dans ce verset-là, Allah subhanahu wa ta'ala, il jure par lui-même en disant « Non, par ton Seigneur, ils ne sont pas croyants jusqu'à ce qu'ils t'aient pris toi, ô Muhammad, comme juge entre eux dans leurs disputes, puis qu'ils ne trouvent en eux-mêmes aucun inconfort ou difficulté par rapport à ce que tu as décrété, puis qu'ils s'y soumettent d'une soumission complète et entière. » Donc ça c'est pour une autre preuve parmi les preuves qui ont rapport à ce sujet. Ensuite, le cheikh il mentionne les versets 48 à 50 dans Surat An-Nur, dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala il démontre l'attitude des munafiqin par rapport à l'attitude des croyants en ce qui concerne le fait de prendre Allah subhanahu wa ta'ala et son messager comme juge, de prendre le Coran et la Sunna comme juge. Donc il mentionne le verset 45 qui dit « Et ils disent, nous croyons en Allah et au messager, et nous obéissons. Puis après cela, une partie d'entre eux fait volte-face. Ce ne sont point ceux-là les croyants. » Ça veut dire, il y en a parmi les gens qui se disent musulmans, qui disent « Nous croyons en Allah et au messager, et nous obéissons. » Puis, une fois que l'ordre d'Allah arrive, tu vois une partie d'entre eux qui se détournent. Ce ne sont point ceux-là les croyants. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit « Ce ne sont point ceux-là les croyants. » Et quand on les appelle vers Allah et son messager, pour que celui-ci juge parmi eux, voilà que quelques-uns d'entre eux s'éloignent. Hein? Mais s'ils ont le droit en leur faveur, ils viennent à lui soumis. Y a-t-il une maladie dans leur cœur? Ou doutent-ils? Ou craignent-ils qu'Allah les opprime ainsi que son messager? Non, mais ce sont eux les injustes. La seule parole des croyants quand on les appelle vers Allah et son messager, pour que celui-ci juge parmi eux, est « Nous avons entendu, nous avons obéi. » Et voilà ceux qui réussissent. Donc c'est pour dire que celui qui se détourne de la parole d'Allah quand on l'appelle à juger selon la révélation, celui-là, il ne fait pas partie des vrais croyants. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit justement qu'il y en a qui se détournent lorsqu'on les appelle à la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et si le droit est en leur faveur, c'est-à-dire si le jugement, s'ils viennent au Coran et à la Sunna, ils savent que c'est pour eux, là ils viennent tout d'un coup. Mais si le jugement de la charia est contre eux, là ils se détournent, hein, ils ne veulent pas apprendre ou savoir qu'est-ce qui va être dit à leur sujet ou au sujet de cette question. Et donc ça, bien entendu, c'est c'est pas une attitude du vrai croyant qui agit de cette façon-là. C'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala a dit par la suite, y a-t-il une maladie dans leur cœur, y en a de l'hypocrisie, ou doutent-ils ou craignent-ils qu'Allah leur fasse une injustice? Et ce sont eux les injustes. L'autre verset qui est mentionné par la suite par le cheikh, il mentionne le verset 1 dans surat Ibrahim. Alif Lam Ra, c'est un livre que nous avons fait descendre vers toi pour faire sortir les hommes des ténèbres vers la lumière par la permission de ton Seigneur ou par la permission de leur Seigneur vers le chemin du Tout-Puissant digne de louange. Et il mentionne ensuite le verset dans surat Al-Najm, hein, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit: par l'étoile à son déclin, votre compagnon ne s'est pas égaré et n'a pas été induit en erreur. Il ne prononce rien sous l'effet de la passion. Il n'est rien d'autre qu'une révélation inspirée. Donc, c'est-à-dire, la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est uniquement une révélation qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça ne fait pas partie des passions. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tout ce qu'il dit, c'est la révélation. Donc, ça, c'est des points qui montrent qu'on ne peut pas rejeter la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala, et également qu'on doit suivre la révélation d'Allah et se soumettre aux décrets du Coran et de la Sunna si on est des mu'minines. Et après, le cheikh, il dit: وَمِمَّا سَبَقَ تَعْلَمُ أَنَّ كَلَامَ الدُّكْتُورَ السِّبَاعِ أَوْقَعَهُ فِي وَرْطَةٍ عظيمة تخرج من الإسلام وتردي في نار جهنم قائلها إن لم يكن تاب قبل موته بتفضيله للقوانين الوضعية على شريعة الله العليم الحكيم. فتأمل ما قاله في المقطعين السابقين وتأمل الآيات القرآنية التي تأمر باتباع الشريعة الممثل في الكتاب والسنة، وتأمل ما قاله أهل العلم فيما يوجب الردة وينقض الإسلام، ترى الحقيقة ماثلة كفلق الصبح، ولا يهولنك أمر أن تحكم على شخص بما سطرت يداه أو لفظه لسانه مهما نسج حوله من هالات التقديس، إلا أن تكون مجلة حضارة الإسلام السورية قد نسبت إليه هذا المقال زورا وبهتانا وزورت اسمه ظلما وعدوانا، ولا أخال ذلك يكون، بل قد جاء في نهاية المقال المعنون بعنوان المعون بعنوان السابعي أو السباعي ومعركة الدستور دمشق 21 ربيع الثاني 1469 الموافق يوم 8 شباط 1950 ميلادي. Donc le cheikh il dit, d'après tout ce qu'on a lu, d'après les dernières citations qu'on a mentionnées de Dr As-Sibai, on a lu des paroles qui font sortir quelqu'un de l'islam et qui lui donne ou lui prépare une place en enfer si cette personne-là l'a dit sans se repentir avant sa mort. Donc ça, c'est la seule excuse si il s'est repenti avant sa mort. Après, le cheikh il dit, parce qu'il a préféré les lois faites par l'homme à la charia d'Allah, le sage et l'omniscient et le sage. Donc, il dit, méditez sur ce que vous avez lu dans les deux passages qu'on a lu précédemment de ces paroles et méditer sur les versets du Coran qui nous ordonnent de suivre la charia d'Allah qui est mentionnée dans le Coran et dans la Sunna, et méditer également au sujet de ce que les savants de l'islam ont mentionné par rapport à qu'est-ce qui fait annuler la foi et l'islam d'une personne, et vous allez voir clairement comme une étoile à l'aube, vous allez voir clairement que c'est la réalité, vous allez voir la réalité claire à ce sujet-là. Et il dit: n'ayez pas peur de juger à propos d'une personne par rapport à qu'est-ce que sa main a écrit, qu'est-ce que sa langue a prononcé, du halo qui est autour de lui, de taqdis, que les gens le sanctifient ou le vénèrent, ou bien que les gens l'honorent, ou bien lui donnent de l'honneur ou du respect. Parce que qu'est-ce que le magazine Hadarat al-Islam, la civilisation de l'islam, qui est publié en Syrie, lui est attribué ces paroles-là, ou cet article, ou cet écrit, alors que c'est pas vraiment lui qui l'aurait écrit, ce serait quelque chose que le magazine lui aurait attribué injustement et faussement. Et bien dans ce cas-là, ce serait bien entendu une injustice qui lui aurait été faite. Mais le cheikh, il dit: je doute grandement que ce soit le cas, parce que quand on lit l'article, on voit qu'à la fin de l'article, c'est écrit As-Siba'i wa Ma'arakat al-Dustur, et que c'était publié à Damas le 21 de Rabi al-Thani de 1469, qui correspond au 8 du mois de Shabbat de 1950 miladi. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça fait très longtemps que c'est écrit, et après qu'il a écrit cet article, il a eu le temps d'être au courant qu'on lui attribuait cette parole-là, si ce n'était pas lui qui l'avait écrit, et de s'en désavouer et d'écrire qu'il n'était pas d'accord avec ce qui était écrit dans cet article-là. Donc, ça, c'est les paroles du cheikh An-Najmi à ce sujet-là. Après, il dit: وَبِذَلِكَ تَعْلَمْ أَنَّ هَذَا قَوْلُ لِسَانِهِ ونسج ذهنه وكتابة قلمه ولم يظلمه به أحد ولا يزوره عليه مزور، فقد كتب هذا قبل حوالي 48 سنة ونشر في حياته ولم ينكره، وما زال منشورا من ذلك الزمان إلى الآن. واسمع إليه يقول في صفحة 479 من مجلة حضارة الإسلام، ويعترض بعض الحقوقيين بأن جعل دين الدولة الإسلام يلغي القوانين الحالية، ويضطرنا إلى تنفيذ الحدود الإسلامية من قطع يد السارق وجلد الزاني. وقال في هذا قول خاطئ، فنحن وقال في هذا وقال وهذا قول خاطئ. هذا قال من هو القائل هنا؟ مصطفى السباعي. قال: هذا قول خاطئ، فنحن لا نفكر قطعا بالدعوة إلى تنفيذ الحدود، لأن الإسلام دين كامل لا يظهر صلاحه إلا في مجتمع كامل، ومن كمال المجتمع أن يشبع كل بطن ويكتسي كل جسم ويتعلم كل إنسان ويكتفي كل مواطن. فإذا وقعت السرقة بعد ذلك مثلا، وقعت شرا محضا لا يقدم عليه إلا الغريقون في الإجرام، والإسلام يريد أن يرهب هؤلاء. وأقول: يجب أن نفكر، هل السراق الذين قطعت أيديهم في عهد النبوة كانوا كما وصف الدكتور أم كانوا يأكلون الشعير ويلبسون الشعر إلى أن قال أما الحدود الإسلامية فلا تستلزمها هذه المادة بدليل أن مصر والعراق وضعتا هذه المادة في دستوريهما منذ ربع قرن ولم تفكر بإقامة الحدود الإسلامية وهذا ما نصرح به علنا لا مجاملين ولا مواربين ومن مجلة حضارة الإسلام. Donc maintenant écoutez un autre passage de ces paroles des paroles de Mustafa al-Sibai qui nous révèle une autre réalité de la da'wa et du manhaj des ikhwan al-muslimin. Vous allez voir que c'est étonnant leur attitude. Le cheikh il dit donc tu peux savoir par les paroles qui sont venues de sa langue et par les choses que sa main ont écrites qu'on n'a pas fait d'injustice. On lui a pas fait d'injustice, c'est-à-dire personne ne lui a fait d'injustice en inventant des paroles à son sujet ou en disant des choses fausses en son nom ou bien en mentant à son sujet non. Parce que il avait, après la date de cet article-là, 48 ans après, pendant 48 ans après de sa vie, et il n'a jamais dénoncé ou renié quoi que ce soit de ce qui avait été distribué et publié dans cet article-là. Jusqu'à aujourd'hui. Et l'article existe aujourd'hui encore dans ce magazine. Donc, il dit, écoutez ce qu'il dit par la suite à la page 479 du magazine Hadarat al-Islam. Il dit, et certains légistes ou certains défenseurs des droits de l'homme, les droits de l'homme, ils disent, comme ils donnent certaines objections au fait d'écrire dans la constitution syrienne que l'islam est la religion de l'État. Parmi ces objections-là, ils disent que si on écrit que la religion de l'État, c'est l'islam dans la constitution, ça va éliminer les lois actuelles et ça va nous forcer à appliquer les punitions islamiques et les règles islamiques, comme par exemple de couper la main du voleur ou de fouetter la personne qui a fait la fornication et des choses de ce genre. Et regardez ce qu'il répond à cette objection-là des gens qui défendent les droits de l'homme. Il dit, et ça c'est une fausse parole, parce qu'on n'a jamais pensé, absolument jamais pensé, à appeler les gens à l'application des punitions islamiques. Parce que l'islam c'est une religion parfaite, et on ne peut pas voir le bien qui vient de cette religion, excepté dans une société parfaite. Et parmi les choses qui font partie d'une société parfaite, c'est que tous les ventres sont bien remplis, que tous les corps sont bien couverts, bien habillés, et que toute personne a bien appris, s'est bien éduquée. Et donc à ce moment-là, quand tous les citoyens ont respecté, sont devenus dans cette description-là, tout le monde a ce qu'il lui faut, tout le monde est bien, tout le monde est parfait. Là, dans ce cas-là, maintenant, s'il y a un vol, à ce moment-là, ça veut dire que c'est uniquement que quelqu'un fait du vol parce qu'il est mauvais en lui-même et qu'il est, s'il a pensé à rentrer dans ce genre de crime, c'est parce que c'est quelqu'un qui est noyé dans le crime. Et donc, dans ce cas-là, l'islam peut faire peur à cette catégorie de personnes-là. Donc, on entend souvent cette parole-là de la part des ikhwan. Même Tariq Ramadan, vous l'entendez souvent quand il parle de la lapidation et des choses de ce genre. Il dit toujours, non, l'islam, c'est uniquement quelque chose qu'on peut appliquer dans une société parfaite. Il faut qu'on ait réformé la société en premier, et après ça, là, on va pouvoir, par exemple, appliquer la loi islamique. Hein? Et comme je vous avais donné comme exemple plus tôt, par rapport au Soudan, quand Hassan al-Turabi avait pris le pouvoir au Soudan, et qu'il fait partie des Ikhwan, bien entendu, alors, quand on a voulu fermer une usine d'alcool, c'est lui-même qui s'est objecté à sa fermeture et il a insisté pour qu'on la rouvre encore une fois. Hein? Et il a dit non, il faut pas appliquer les, il faut pas, comment ils appellent ça, le mot qu'ils utilisent, il faut la répression. En tout cas, il y a un terme qu'ils utilisent là. Il faut pas que on utilise la religion d'une manière pour que ce soit répressif. Ainsi de suite, il ne faut pas forcer les choses, il faut réformer la société en premier pour qu'elle soit parfaite, hein, que tout le monde ait mangé, que tout le monde ait essayé ça. Et là, par la suite, il ne faut pas qu'il y ait de pauvres, il ne faut pas qu'il y ait d'injustice ou quoi. Puis là, après, quand la société est parfaite, là maintenant, on peut appliquer la charia. Et bien entendu, ça c'est quelque chose d'impossible. Parce qu'une société qui est parfaite, où il n'y a plus de pauvres, où tout le... ça n'existe pas, ça n'a jamais existé, puis ça ne va jamais exister. Et même à l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, appliquait la charia, et la société n'était pas parfaite. Hein? Mais c'est en appliquant la charia qu'on arrive à corriger les imperfections de la société. Hein? Donc, qu'est-ce qui va réformer les sociétés? C'est l'islam. Il n'y a pas quelque chose qui va réformer l'islam avant l'islam, pour qu'on puisse appliquer l'islam ensuite. Et appliquer les règles de l'islam. Donc, alhamdoulilah, le cheikh Ahmed al-Najmi, il commente ce passage-là et il dit, il est obligatoire pour nous de réfléchir sur le fait de, sur les paroles de ce que dit Mustafa al-Sibari. Et il pose une question, justement, à ce sujet-là. Il dit, est-ce que les voleurs, les voleurs de qui on a coupé les mains à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, est-ce qu'ils étaient dans la description, ou est-ce qu'ils rentraient, ou est-ce qu'ils étaient tels que le docteur Assiba, il est décrit leur situation, c'est-à-dire est-ce qu'ils faisaient partie des gens qui sont noyés dans le crime et que la société était parfaite et qu'ils étaient le ventre rassasié, rempli, qu'ils étaient bien habillés, ainsi de suite? Le cheikh, il répond, il dit, ou bien est-ce que c'était plutôt des gens qui mangent de l'orge, des graines d'orge et qui portent des vêtements de peau, hein, faits avec des peaux d'animaux. Donc c'est pour dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas attendu que tout le monde ait ce qu'il lui faut, que son ventre soit rempli, qu'il ait de l'argent avant d'appliquer la peine. Et souvent vous entendez les Ikhwan quand ils vont parler des punitions islamiques, par exemple, ils vont dire, oh mais à l'époque de Omar ibn Khattab, quand il y avait une famine, ils ont cessé d'appliquer la peine pour ces gens-là. Oui, ça c'est quand il y avait eu une famine, soi-disant, Omar ibn Khattab, radiallahu anhu, il a cessé d'appliquer la peine. Mais après, quand la famine est arrêtée, il a appliqué la peine sur les gens qui volent. Hein? Et bien entendu, il y a des règles. Il y a des règles très très claires à ce sujet-là. Quand est-ce qu'on peut couper la main d'un voleur? Hein? Bien entendu, il faut que ce soit le dirigeant qui juge ça. Et en plus, il faut que ce soit un bien qui a atteint une certaine valeur. Et il faut en plus de ça que ce soit des biens qui sont protégés, bien protégés. Hein? Si quelqu'un laisse quelque chose traîner dans la rue, puis quelqu'un le vole, on va pas lui couper la main pour ça. Il faut que ce soit quelque chose que la personne a mis dans un endroit où on va pas le voler. En tout cas, il y a beaucoup d'explications et de détails à ce sujet-là. Mais c'est pour dire que c'est pas une condition que tout le monde soit le ventre plein et tout, que tout le monde soit bien habillé, que tout le monde ait appris, puis que la société doit être parfaite pour qu'on applique la charia. Ça, c'est l'utopie des Ikhwan, qu'ils rêvent d'un paradis sur terre, et que c'est seulement si la réalité du monde est un paradis qu'on va pouvoir juger ou appliquer les règles de la charia d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le cheikh, il continue même la citation de Mustapha Sibai, parce que c'est grave qu'est-ce qu'il dit tout à l'heure. Mustapha Sibai, il dit on ne pense pas du tout à appliquer les législations de la charia. Et Tariq Ramadan, en fait, même aujourd'hui, c'est la même chose qu'il dit. Il dit ce n'est pas ce que je dis que elles ne sont pas applicables, hein, ce n'est pas applicable, hein, et donc c'est impossible de l'appliquer. Si t'attends que, s'il faut attendre que la société soit parfaite pour qu'on puisse l'appliquer, l'islam, ben dans ce cas-là, ça veut dire que on pourra jamais, parce que c'est impossible. C'est impossible une société parfaite. Et donc, il dit, il a un qal, c'est-à-dire, il dit par la suite, les punitions de l'islam ne sont pas impliquées par cet article. Le fait d'écrire que l'islam c'est la religion de l'État, ça n'implique pas qu'on va appliquer les peines de la charia islamique. Il dit, la preuve de ça, c'est regarder l'Irak et l'Égypte. Les deux, ces deux pays-là ont écrit dans leur constitution depuis un quart de siècle, hein, ils ont écrit dans leur constitution, comme le premier article, que l'islam est la religion de l'État. Et ils n'ont pas pensé à établir les peines de l'islam. Et donc, il dit, nous disons ouvertement, nous le disons ouvertement, hein, nous sarrihu bihi alanan, la mujamilina wa la muwaribina. Donc ça veut dire qu'il affirme ça, ce qu'il dit là, ouvertement, qu'il ne veut pas appliquer les peines de la charia islamique. Et il dit ça, c'est pour rassurer les défenseurs des droits de l'homme, soi-disant. Il dit non, on ne pense pas appliquer. Regardez l'Égypte et l'Irak. Ils ont mis cet article-là dans leur constitution. Et puis, ils n'ont pas du tout appliqué les peines de l'islam. Donc, n'ayez crainte. Hein. Et il dit, on dit ça, la mujamilin, c'est-à-dire, on ne dit pas ça pour al-mujamala, hein, pour vous faire plaisir ou bien pour vous plaire. Al-muharibin. Donc c'est comme s'il essaie de dire qu'il dit ça avec toute franchise et ouverture, comme certains par exemple qui pourraient essayer de dire ah mais ces gens-là comme Tariq Ramadan et Mustapha Sibai et les autres, c'est des gens qui sont en train de dire ça pour les koufars, parce que on peut pas dire aux koufars la réalité, il faut leur mentir. Hein? Donc il y en a qui penseraient peut-être que, comme certains des koufars qui s'imaginent que les musulmans ont fait taqiyya par rapport à ces choses-là, yani. Et eux peut-être qu'ils feraient taqiyya, ces gens-là, ça c'est de l'hypocrisie, de cacher la vérité de l'islam, hein, de mentir sur Allah et sur son prophète, alors que tu n'es même pas contraint, qu'il n'y a personne qui te contraint avec une arme et qui te menace de te tuer, ça c'est pas permis de dire des paroles de mensonge contre l'islam sans que ce soit par une contrainte quelconque, juste comme ça parce que tu veux t'infiltrer dans la société ou tu veux arriver à ton but, tu te permets de mentir et de dire des choses fausses sur l'islam, sur la religion, ça c'est pas permis dans l'islam. Et il y en a qui disent ouais, ben ces gens-là ils disent ça juste pour se faire accepter, pour s'infiltrer chez les koufars, ça fait partie de la ruse. Hein, et des choses de ce genre, et c'est pas vrai en réalité, parce que ces gens-là sont sincères quand ils disent ces paroles-là et ils y croient vraiment. La preuve, ils le disent, et ils le disent ouvertement, et même dans le Ramadan, il le dit combien de fois, il dit ce que je vous dis devant vous, c'est la même chose que je dis devant les non-musulmans, puis ce que je dis devant les non-musulmans, c'est exactement ce que je dis devant vous. Hein? Et donc c'est pour dire qu'il ne fait pas semblant, il ne ment pas, il est réellement en train de dire qu'il ne veut pas l'application de la charia, parce qu'il croit que c'est inapplicable, que c'est impossible de les appliquer, parce qu'il faut que ce soit une société parfaite, hein, qu'il n'y ait pas de crime, qu'il n'y ait pas de faim, qu'il n'y ait pas de pauvreté. Là, comme la société des idéales, comment les gens ont cette utopie-là dans le système socialiste, hein, que tout le monde a tout ce qu'il lui faut, et les communistes aussi. Donc ça c'est leur idéologie à ce sujet-là. Et donc ils veulent pas appliquer la charia, ils le disent clairement, hein, et vous les entendez crier Dawla Islamia, on veut un état islamique, on veut la et puis en réalité, qu'est-ce que c'est pour eux un état islamique? C'est quoi? Un état avec, on écrit en haut dans la constitution cet état est musulman, ou la religion du pays c'est l'islam. Puis après c'est fini, tu fais ce que tu veux, tu vis comme tu veux, t'écoutes, tu traites, ils traitent les ulama comme rien, comme si c'était rien. Hein, ils ont aucun respect pour les savants de l'islam, aucun respect pour la charia, aucun respect pour rien. Tout ce qu'ils veulent, c'est prendre le pouvoir puis utiliser la religion comme un moyen pour rassembler les masses autour d'eux-mêmes. Et puis, par la suite, ils font ce qu'ils veulent. Le Cheikh dit, « Wa aqul inna qawla as-siba'i, fa nahnu la nufakkiru qat'an bid-da'wati ila tanfiz al-hudud » نفي حتى لمجرد التفكير في الدعوة إلى تنفيذ الحدود وهذا يدل دلالة واضحة على عدم رغبته في إقامة الحدود ولست أدري كيف يتم إسلام بلا إقامة حدود إن ترك الحدود إن ترك الحدود مصيبة عظيمة على المسلمين وجرح كبير في إسلامهم والحكم الشرعي أن من أنكر الحدود كفر ومن تركها لا جحدا لها ولكن نزولا على رغبة الكفار واسترضاء لهم مع علمه واعتقاده أن الحدود التي شرعها الله عز وجل هي الحق فهو فاسق آت عظيمة من العظائم وكبيرة من الكبائر. Le cheikh il dit, je dis, regardez la parole de As-Siba'i, quand il dit nous, on ne pense pas à appliquer, ou non, il dit on ne pense pas du tout, ou absolument pas, hein, qat'an, ça veut dire, il n'y en a définitivement pas, on ne pense pas à appeler à l'application des punitions de la charia. Donc, bien entendu, on sait tous que la charia, ça ne se limite pas à des punitions, que ça englobe toutes sortes de règles, toutes sortes de lois, hein, pas seulement dans le code pénal, il y a d'autres règles aussi, mais en particulier maintenant au sujet des peines qui font partie de la charia également, il dit on n'y pense même pas. Donc le cheikh il dit, Cheikh Ahmed al-Najmi, il commente ce passage là et il dit, regardez comment il nie non seulement pas l'application des règles, il nie même le fait de penser à appeler les gens à appliquer les peines de l'islam. Et donc ça prouve d'une façon très claire, hein, qu'il ne veut pas du tout, il n'a pas du tout envie d'établir ces peines-là. Et il dit, je ne sais pas comment on peut établir ou penser qu'il peut y avoir un islam sans l'établissement des peines. Et si il dit, le fait d'abandonner les peines islamiques, c'est un grand malheur pour les musulmans. Et c'est une grande blessure pour l'islam, pour leur islam. Et ensuite il dit, et le verdict de la charia, au sujet de la personne qui nie les peines de la charia, c'est qu'il commet un acte kufr. Hein? Ça veut dire que quelqu'un qui nie qui nie les peines de la charia, qui dit non, je ne crois pas en la lapidation, je ne crois pas en le fait de couper les mains des voleurs ou des choses comme ça, ça c'est kufr. Mais celui qui l'abandonne sans les nier, sans les rejeter, mais seulement parce que il veut satisfaire ou il veut plaire au kuffar, et il sait que il sait et il croit que les punitions que Allah a légiférées, c'est la vérité, alors dans ce cas-là, c'est un pécheur qui a fait un grand crime et un grand péché parmi les grands péchés. D'accord? Donc, ça c'est pour faire comprendre que on parle pas seulement du fait de les appliquer, ces règles-là, mais même du fait que, même si, c'est-à-dire par exemple, n'importe quel musulman sur la terre, peu importe où il vit, peu importe où il est, même s'il est au Canada ou en France ou ailleurs, il est obligatoire pour lui de croire que c'est obligatoire d'appliquer les peines de la charia. Même si là où il vit, ces peines-là ne sont pas appliquées. Mais ça fait partie de la foi en l'islam de reconnaître ces peines-là et ces lois-là et d'y croire, même si il ne peut pas les appliquer. Et qu'est-ce que vous voyez par exemple, comme je lisais dans des articles, dans des journaux, il y a de cela plusieurs années, il disait par exemple qu'il voulait en France faire des imams avec un islam français qui enseigne un islam à la française, ou bien selon les lois françaises, ou je sais pas quoi. Et il disait par exemple que dans l'islam français, on ne pouvait pas dire par exemple que la punition pour celui qui vole, c'est qu'on doit lui couper la main, ou que la punition pour celui qui fait l'adultère, c'est la lapidation, ou que celui qui fait la fornication, c'est des coups de fouet, ou ainsi de suite. Et bien ça, c'est grave. Parce que même si en France, on ne peut pas appliquer la peine de l'islam et de la charia, c'est quand même obligatoire pour les musulmans qui vivent en France de connaître ces règles-là et d'y croire. Et de savoir que ça fait partie de l'islam et que c'est obligatoire de les appliquer pour le dirigeant musulman. Donc, c'est pas parce qu'on est en France ou parce qu'on est au Canada ou parce qu'on est aux États-Unis ou ailleurs dans un autre pays qui n'est pas musulman, c'est pas un prétexte ou une excuse de cesser d'expliquer ça aux musulmans et d'enseigner ça aux musulmans et d'enseigner ça aux enfants et de leur dire qu'est-ce que c'est la réalité de l'islam. Hein? On va pas changer la religion musulmane et cesser de l'enseigner telle qu'elle est en réalité parce que on est dans un pays non musulman. Et il y en a des musulmans ici, tu les entends dire ça. Non, mais on n'est pas dans un pays musulman, on peut pas dire qu'est-ce qu'on veut, on peut pas dire ces choses-là, mais qui, premièrement, pourquoi on pourrait pas le dire puisque c'est quelque chose qui est dans notre révélation, qui est dans notre religion. Premièrement, ça fait partie de l'islam. Donc on peut pas le nier. De le nier, ça nous amène à arriver à tomber même dans la mécréance. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut pas accepter. De nier la vérité qui vient d'Allah, même si ça déplaît aux gens qui croient pas en l'islam. Et non seulement ça aussi, mais c'est que si tu dis que le fait d'être dans un pays non musulman, ça t'empêche de dire la vérité qui vient d'Allah, alors dans ce cas-là, ça devient obligatoire pour toi de quitter ce pays-là et d'aller là où tu vas être capable de dire ces choses-là ouvertement et clairement et croire en ces choses-là. Hein? Et c'est pour ça que les ulama, ils ont une règle qui dit la ma la yatim al wajib illa bihi fa huwa wajib. Si quelque chose est nécessaire pour appliquer un aspect de ta religion qui est obligatoire, alors cette chose-là, elle devient obligatoire elle aussi en elle-même, même si à la base elle n'était pas obligatoire. Donc si pour appliquer ta religion, tu es obligé d'aller ailleurs pour le faire, parce que tu n'es pas capable là où tu es d'appliquer ce qui est obligatoire pour toi et de suivre ce qui est obligatoire pour toi, alors dans ce cas-là, ça devient obligatoire pour toi de quitter cet endroit-là et d'aller là où tu es capable d'appliquer ta religion. C'est pour ça que les savants ils disent que la hijra, si tu vis dans un endroit où tu n'es pas capable d'appliquer ce qui est obligatoire de ta religion, la hijra, dans ce cas-là, elle devient obligatoire pour toi, si tu es capable de la faire. Toutefois, si tu n'es pas capable de la faire, dans ce cas-là, tu restes là où tu es jusqu'à ce que tu sois capable de la faire, par nécessité. Hein? Mais c'est juste pour faire comprendre le principe que même si on est dans un pays occidental, en France, au Canada ou ailleurs, il n'y a rien qui nous empêche de pouvoir dire et de pouvoir croire, de pouvoir enseigner que ces règles-là et ces punitions-là font partie de notre religion et de notre charia. Et même dans les écoles talmudiques chez les juifs, si vous rentrez dans les écoles talmudiques et quand vous voyez qu'est-ce qu'ils enseignent, ils vont pas nier. Demandez à n'importe quel de ces gens-là dans leurs écoles, est-ce qu'ils disent que ils rejettent la lapidation ou est-ce qu'ils rejettent les règles qui sont écrites dans la Torah? Demandez-leur et vous allez voir. S'ils rejettent ces lois-là, bien entendu, ils ne seront pas des croyants en la Torah. Hein? Et même si on dit ça juste comme exemple pour va comprendre que ces gens-là, ils le disent, ils l'enseignent entre eux et il n'y a personne qui les embête. Alors pourquoi il y a des gens qui veulent, par exemple, venir s'interposer par rapport à notre religion et nous dire qu'est-ce qu'on doit ou qu'est-ce qu'on ne doit pas enseigner de ce qui fait partie de notre religion sous prétexte que, soi-disant, c'est contraire à leur charte ou à leur constitution ou à leur déclaration des droits de l'homme ou autre. Nous, notre loi, notre référence, c'est pas les droits de l'homme. Notre référence à nous, c'est le Coran et la Sunna. Elle est suprême. Elle a l'autorité suprême sur toute autre loi, sur toute autre chose. Il n'y a rien qui vient au-dessus. Rien de ce que les hommes ont pu inventer. Donc c'est pour ça que c'est important de comprendre ce principe-là et de ne pas avoir peur, et de ne pas être timide, hein, de dire ces choses-là clairement. Et quand c'est le temps de réfuter ces gens-là, de les réfuter avec preuve. Donc le cheikh il dit par la suite, وَفِي الصَّحِيحَيْنِ أَنَّ قُرَيْشًا لَمَّا أَهَمَّهُمْ شَأْنَ الْمَخْزُومِيَّةِ قَالُوا مَنْ يُكَلِّمْ لَنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فِي شَأْنِهَا قَالُوا مَنْ يَسْتَطِيعُ ذَلِكَ إِلَّا أُسَامَةَ بْنُ زَيْدٍ حبه وابن حبه فكلمه أسامة فغضب غضبا شديدا ثم قال أتشفع في حد من حدود الله ثم قام خطيبا فقال يا أيها الناس إنما ضل من كان قبلكم وفي رواية إنما هلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق الشريف تركوه وإذا سرق الضعيف أقاموا عليه الحد وإيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها أخي المسلم تأمل هذا النص ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم عد ضلالا وهلاكا إقامة الحد على الضعيف وتركه على الشريف فكيف بمن ترك إقامة الحد فلم يقمه على شريف ولا وضيع وكيف بمن لم يفكر في إقامة الحدود أصلا حتى ولا مجرد تفكير كما قال الدكتور السباعي فنحن لا نفكر قطعا بالدعوة إلى تنفيذ حدود وهكذا يصرح أحد قادة الإخوان المسلمين بتعطيل الحدود وهم يتظاهرون بالمطالبة بتحكيم الشريعة فأين تحكيم الشريعة من هذه التصريحات وترى هل بقي مع هذا من الاهتمام بالإسلام شيء فإن لله وإنا إليه راجعون. Donc le cheikh ici il dit dans les Sahihain, dans le Kitab al-Sunnah, dans le Sahihain, c'est-à-dire le Bukhari ou le Muslim, lorsqu'il y a une femme de Quraysh qui a volé, de Bani Makhzoum, les gens ont commencé à dire qui va aller voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour lui parler pour nous, au sujet de cette femme. Parce que c'est une femme noble, et donc de lui couper la main, c'est quelque chose qui est mal vu, hein. Ils veulent pas appliquer cette peine de la charia sur elle. Alors, ils ont dit, qui est capable de lui parler à ce sujet-là, excepté son bien-aimé et celui le fils de celui qu'il aime, c'est-à-dire Osama ibn Zayd, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle aimait beaucoup Zayd ibn Thabit et son fils Osama. Alors, ils sont allés voir Osama ibn Zayd et ils lui ont dit va parler avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam et dis-lui ou demande-lui intercède pour cette femme en sa faveur, yani va lui demander de ne pas appliquer la peine de la charia sur elle. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est mis en colère d'une colère très dure, hein, très grande. Il était très fâché et il a dit à Osama ibn Zayd, est-ce que tu veux intercéder dans une des peines, parmi les peines d'Allah subhanahu wa ta'ala? Et il est sorti et il a fait un discours où il s'est adressé aux gens. Il a dit, ô vous les gens, ô vous les gens. Ceux qui étaient avant vous se sont uniquement égarés parce que lorsque le noble volait, ils le laissaient aller. Et lorsque le pauvre volait, ils établissaient sur lui la peine. Il n'a pas dit le pauvre, il a dit le faible. Hein? Et dans une autre narration, il a dit, ceux qui étaient avant vous, ils ont uniquement péri à cause du fait qu'ils ont justement laissé aller les riches ou les nobles lorsqu'ils volaient. Et lorsque les faibles volaient, ils établissaient la peine sur eux. Il dit, par Allah, même si ma propre fille, Fatima, volait, je lui couperais la main. Hein? Donc ça, c'est pour faire comprendre. C'était pour faire comprendre aux gens que peu importe hein, qui vole, on doit lui appliquer la peine. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, s'est mis en colère du fait qu'on applique la peine de l'islam sur le voleur à une catégorie en dehors d'une autre. C'est-à-dire aux pauvres et non pas aux riches. Donc le cheikh Ahmed al-Najmi, il dit, ô mon frère musulman, médite sur ce hadith et regarde ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a considéré comme étant égarement. Le fait d'établir la peine de l'islam uniquement sur les faibles et de laisser le noble. Alors, que pourrions-nous dire de celui qui appelle à ne pas établir la peine du tout, ni sur le noble, ni sur le faible? Et que dirait-il, hein? Et qu'est-ce qu'on dirait de la personne, non pas qui n'applique pas la peine sur le pauvre et sur le noble, ou sur le faible et sur le noble, mais qui ne pense même pas à l'appliquer, hein? À la base, en partant déjà, il n'y pense même pas. Hein? Même pas d'avoir la pensée de vouloir l'appliquer, subhanallah. Comme il le dit, Mustafa al-Siba'i dans sa citation, فَنَحْنُ لَا نُفَكِّرْ قَطْعًا بِالدَّعْوَةِ إِلَى تَنْفِيذِ حُدُودِ. Donc ça dit, nous on ne pense pas du tout, absolument pas, à appliquer une peine de l'islam. Donc il dit, voilà comment un des chefs des Ikhwan al-Muslimin appelle à annuler, hein, abolir les peines de l'islam. Et eux, ce sont les gens qui se présentent et se montrent comme étant les défenseurs ou les demandeurs de l'application de la charia. Alors, elle est où la charia? Hein? Elle est où cette application ou cette appellation de vouloir appliquer la charia? Quand tu les entends parler de charia, ils parlent d'une chose imaginaire qui n'existe pas. Ils ont, eux, quand ils parlent de la charia ou de l'islam, ils disent, l'islam, ça a existé pendant 40 ans après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Après ça, ça n'existe plus. Hein? Pour eux, c'est ça. Ça n'existe plus. Aujourd'hui, depuis la mort des Khulafa Rashidin, ils disent que ça n'existe plus, l'islam sur la terre. Il n'y a pas eu d'état islamique jusqu'à aujourd'hui. Et même que parmi eux, il y en a, subhanallah, qui disent que la période du Khilafa de Othman, comme Sayyid Qutb il a dit dans ses livres, il dit la période de Othman quand il a régné hein, dans le Khilafa, il dit ça c'était un trou, c'est comme un espace vide entre le Khilafa de Omar ibn al-Khattab et le Khilafa de Ali. Donc il a même pas compté ou calculé le Khilafa de Othman, il l'a fait tomber complètement. Il a dit c'est un espace, c'est un trou. Fajwa, hein? Auzubillah. Et donc, ça c'est un exemple. Et on retrouve cette idée-là, Yannick, que si, hein, c'est ça qu'il dit dans le Ramadan, il dit, si on ne peut pas appliquer la charia ou les peines de la charia sur les nobles, alors on ne veut pas l'appliquer du tout. Hein? Si ça s'applique, comme par exemple, dire, regardez, en Arabie Saoudite, ils appliquent les peines et c'est uniquement sur les faibles. Sous les femmes et les pauvres. Et les soi-disant, il dit, et les gens qui viennent travailler des autres pays, là, les faibles, comme par exemple des gens qui viennent de d'autres pays musulmans ou de, des pays non musulmans qui viennent travailler comme serveurs ou des choses comme ça, ils appliquent sur eux seulement. Et ça, c'est pas vrai. Hein, moi-même, j'étais là-bas, je me souviens, hein, j'ai vu l'application des peines de la charia sur des Saoudiens. Hein, c'était pas des étrangers, c'est des Saoudiens. Et j'ai assisté moi-même à la décapitation de deux d'entre eux lorsqu'ils avaient fait des viols et des choses des crimes de ce genre. Et puis ils ont été décapités en public et puis juste devant la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce que ça s'applique souvent en public. Et yani, c'était des Saoudiens, c'était pas des étrangers. Donc ils mentent. Et non seulement ça, c'est que subhanallah, de dire que ces choses-là, par exemple, comment je pourrais dire, de dire que ces choses-là, ça s'applique seulement si on applique sur les riches et les puissants et les nobles. Mais si on l'applique pas sur les nobles et que c'est juste sur les faibles, alors on l'applique pas, on arrête de l'appliquer complètement. Ça là, c'est vraiment de l'absurdité. C'est pour ça que son idée de moratoire, hein, puis d'arrêter d'appliquer toutes les peines, puis on s'assoit, puis les savants doivent s'asseoir, puis on va dire que disent les textes, puis après on va écouter encore, puis on va regarder encore, puis comment on doit les appliquer, ainsi de suite, ainsi de suite. Il parle comme si l'islam était apparu en l'an 2007 ou 2008, là, et que les savants n'ont jamais regardé que disent les textes. C'est quoi, c'est aujourd'hui que les savants vont comprendre que disent les textes? Les textes, ils sont là depuis des siècles, et les savants, ils savent qu'est-ce que ces textes-là disent. Hein? On va pas inventer des nouveaux textes. Hein? Allah al-musta'an. Donc ça, c'est des exemples. Et même, je lisais un livre, une fois, ça s'appelle Le Printemps arabe, écrit par Benoît Méchain, un kafir. Mais il a témoigné de ce qu'il avait vu en Arabie Saoudite quand il était parti là-bas. Il disait qu'il avait assisté à une punition islamique, une des peines de la charia, et puis il parlait du bien qu'il y a dans ces règles-là, puis comment c'était des règles qui étaient justes, hein, ainsi de suite. Et donc, ça m'a fait réfléchir que même il y a des koufars qui observent ces lois-là, même s'ils sont, ils croient pas en Allah, ils croient pas au Coran, ils croient pas en la Sunna, ils croient en rien, mais malgré tout, ils sont assez justes pour remarquer puis pour voir le bien qu'il y a dans ces lois-là, hein? Et que même s'ils se basaient juste sur un fondement ou un principe uniquement rationnel, hein, sans aucune foi, il était capable de constater la justice puis la miséricorde qui existait dans ces lois-là, hein, quand on compare à celui qui, par exemple, va être emprisonné ou qui va être électrocuté sur une chaise électrique, ou bien qu'on va lui faire une injection de poison ou je sais pas quoi, puis toutes ces autres méthodes barbariques. Donc il considère que ça, c'est plus noble et plus humain, et la méthode de l'islam, de la charia, il considère que ça, c'est incorrect et que c'est pas bien ou que c'est pas correct, alors que c'est la miséricorde même, hein? Donc ça, c'est très important de comprendre. Donc nous, on dit pas que c'est sûr que dans l'islam il faut appliquer les peines sur tout le monde, peu importe leur statut, leur niveau social ou autre, hein? Les dirigeants, ils appliquent la peine quand quelqu'un fait un crime, qu'il soit un noble ou qu'il soit un faible. Mais si on n'applique pas sur le riche ou sur le fort, ça ne veut pas dire qu'on doit abandonner complètement la loi d'Allah, hein? Donc ces idées-là, vraiment, des fois on se demande, mais d'où est-ce qu'ils sortent avec ces idées-là? Au lieu de dire ça, au lieu de dire on va pas l'appliquer jusqu'à ce qu'on l'applique sur les riches, ils devraient plutôt dire non, on va continuer à l'appliquer, puis on va essayer de faire en sorte que même s'il y a des nobles qui volent ou qui font des crimes, eux aussi vont être jugés selon la charia, hein, et qu'on ne va pas les excuser parce qu'ils sont nobles ou des choses de ce genre, hein. Appeler à l'application complète au lieu d'appeler à l'abolition, et au moratoire. Hein? Donc ça c'est, wallahu a'lam, yani c'est des fois une attitude bizarre de leur part. Donc il dit que Mustafa al-Siba'i, il dit clairement dans ce texte qu'il ne veut pas appliquer la charia, et donc c'est une contradiction de leur part, parce que c'est des gens qui sont en train toujours de crier qu'ils veulent la charia, puis qu'ils veulent un état islamique. Donc on se demande vraiment maintenant, qu'est-ce qu'ils veulent comme état islamique, hein? Ensuite le cheikh dit faslun, وجاء في جريدة الحياة المصرية بتاريخ السبت 12 نيسان يعني سي لو مو دافريل 1997 الموافق 5 ذو الحجة 1417 تصريح لمرشد الإخوان المسلمين في مصر حاليا مصطفى مشهور بعنوان أبناء الوطن مسلمين ومسيحيين متساوون في الحقوق والواجبات وتحته مرشد الإخوان يوضح الموقف من الأقباط أي موقف جماعة الإخوان من الأقباط ومن النقاط التي تطرق إليها بالبيان حسب زعمه قوله ورأيه في مسألة الجزية يقوم على أنها ضريبة لتولي المسلمين الدفاع عن المسيحيين بدلا من الدفاع عن أنفسهم. Donc le cheikh il dit que dans le magazine Al Hayat qui est publié en Égypte, la date c'est le 12 avril 1997, donc ça fait pas trop longtemps, qui correspond au 5 de Dhul-Hijjah 1417, il y a eu une explication, une clarification du chef des Ikhwan, du Murshid des Ikhwan, Mustafa Mashhour. Il dit que c'était le chef des Ikhwan à cette époque-là. Je ne sais pas si c'est encore le cas, ou bien s'il y a un nouveau Murshid. Mais en tout cas, si vous allez, même dans leur site des Ikhwan, ils montrent toutes les différentes personnes qui ont été des Murshidin des Ikhwan jusqu'à aujourd'hui, puis ils mettent même leurs photos. Yani. Allah musta'an. Donc, Mustafa Mashhour, il a écrit un article dans ce magazine, et il dit quoi? Le titre de cet article, c'est « Les fils de la nation, musulmans et chrétiens, sont égaux en droit et en obligation. » Et ensuite, en dessous de ça, c'est marqué le guide spirituel des frères musulmans clarifie la position par rapport aux coptes, aux chrétiens coptes de l'Égypte. C'est-à-dire, il clarifie la position de la jama'a des Ikhwan par rapport aux coptes, aux chrétiens coptes. Et il dit que parmi les points qui sont traités dans cet article et dans sa clarification, il dit, selon ce qu'il prétend, que son opinion par rapport à la question de la jizya, c'est que c'est une taxe que les chrétiens payent parce qu'ils ne font pas, ils ne participent pas dans la guerre ou dans l'armée, et que les musulmans vont aller se battre pour les chrétiens, et donc c'est comme s'ils payaient pour se faire défendre. Donc ça c'est une interprétation que ces gens-là aiment donner pour soi-disant présenter la jizya sur un œil, sur un regard un petit peu plus attirant ou plaisant par rapport aux gens qui défendent les droits de l'homme et ainsi de suite. Donc le cheikh il dit deuxièmement, ثانيا ذكر في البيان أن لجنة من منظري الإخوان أعدت بيانا قام مشهور بالتوقيع عليه وبعث به إلى الأهرام يقصد منه تصحيح الموقف واعتذر مشهور في بيانه أن تصريحاته الأولى نشرت وبها تشويش في المفاهيم مشيرا إلى أن تفسير الآية القرآنية الواردة في سورة التوبة بخصوص الجزية مستقر على مستقر على أنه خاص بمن حارب الإسلام والمسلمين. وقال الإخوة وقال الإخوة الأخوة إلى دي الإخوة المواطنون الأقباط في مصر يخرجون عن هذا النطاق بالكلية ومنذ أجيال متلاحقة وجميع أهل مصر يعيشون معا مواطنين متساوين في الحقوق والواجبات. قلت ما أظن أن مسلما يتلاعب به الشيطان إلى هذا الحد فيفسر القرآن حسب مزاجه ورغبته. فتارة يقول إن الجزية إنما جعلت ضريبة مقابل حماية المسلمين لهم بدلا عن حمايتهم لأنفسهم، وذلك يعني أنهم إذا قاموا بحماية أنفسهم سقطت عنهم الجزية. وتارة يقول عن الجزية إنما فرضت على من حارب الإسلام والمسلمين وأقباط مصر ليسوا كذلك فلا تجب عليهم. وهذا قول في كتاب الله بالرأي الذي لا يستند إلى دليل، ويظهر أن هذا الرأي يقصد منه صاحبه مجاملة الأقباط. فويل لمن يقول في كتاب الله برأيه. Deuxième point que le cheikh mentionne au sujet de cet article, il dit, regardez, il dit dans cet article, ou dans cette clarification que le chef des Ikhwan avait fait sortir dans ce magazine Al-Hayat, Mustafa Mashour, le point qui parle de la jizya, il y a eu par la suite, juste après, quelques temps après, un comité des têtes des Ikhwan, ou des gens importants des Ikhwan, qui ont refait une autre bayan pour clarifier leur position par rapport à la jizya. Et Mashour, le chef des Ikhwan, Mashour, Mustafa Mashour, il a signé cette clarification-là par la suite, et ils l'ont envoyé au journal Al-Ahram pour corriger leur position au sujet de la jizya. Et Mashour, Mustafa Mashour, s'est excusé de son premier bayan dans laquelle il avait dit que c'était une taxe pour ceux qui participaient pas à la guerre parmi les chrétiens, parce que les musulmans les défendaient, allaient se battre pour eux, ainsi de suite. Il dit qu'il y avait eu une certaine des problèmes dans la compréhension, puis que ils avaient mal compris le tafsir du verset coranique dans la sourate Tawba, le verset 29, qui parle de la jizya. Et donc, ils ont établi par la suite, ils ont déterminé par la suite que ce verset-là parlait uniquement de ceux qui combattent l'islam et les musulmans. Hein? Donc, ils prétendaient que c'était quelque chose qui se limitait uniquement à ceux qui combattent l'islam et les musulmans. Puis, il a écrit dans ce bayan, il dit « Qala al-ikhwa, les frères concitoyens coptes de l'Égypte sortent de cette catégorie-là, de ceux qui doivent payer la jizya complètement, depuis des générations, parce qu'ils font partie du peuple, de la nation égyptienne, et ils vivent avec les Égyptiens, ils sont des concitoyens égaux dans leurs droits et dans leurs obligations. » Hein? Regardez comment il parle d'un plan purement nationaliste. Hein? Et Qardaoui, il dit la même chose. Hein? Que ce sont nos frères les chrétiens, nos frères les juifs. Hein? Tout le monde sont des frères pour eux. Même les koufars, ils refusent même de les appeler koufars. Donc il dit, regardez, il dit, Cheikh Ahmed al-Najmi, il dit, je pensais jamais qu'un musulman pouvait commencer à jouer avec le tafsir du Coran de cette façon, ou bien il dit, je pensais jamais qu'un musulman pouvait se laisser manipuler par le shaitan à un tel point en essayant de travestir ou d'interpréter le Coran à sa façon, selon ses goûts et ses désirs, hein, selon son humeur. Donc, à un moment donné, il interprète le Coran en disant que c'est une taxe qui est donnée du fait que les musulmans protègent les chrétiens. Donc, étant donné qu'ils ne se protègent pas eux-mêmes, ils doivent payer. Ça, c'était sa première interprétation. Et puis, il n'y a pas de preuve à ce sujet-là. C'est une interprétation que les orientalistes ont inventée. Ça ne vient pas de l'islam. Ensuite, il vient puis il se corrige. Il dit non, non, je me suis trompé. C'était pas ça, la bonne interprétation. La bonne interprétation, c'est que le cheikh il dit que la première interprétation qu'il a donnée, il dit que c'est une taxe qu'il donne aux musulmans parce que ils se protègent pas eux-mêmes, c'est les musulmans qui les protègent. Et ça veut dire que s'ils venaient eux-mêmes se défendre ou se protéger eux-mêmes, dans ce cas-là, ils seraient exemptés de la jizya. Ça, c'est son interprétation, la première. Que s'ils font leur propre protection, dans ce cas-là, ils n'ont pas à payer la jizya. Deuxièmement, ensuite, il vient avec une autre interprétation qui dit que la jizya, c'est seulement pour ceux qui combattent l'islam et les musulmans. Et donc, il dit que les coptes, eux, ne font pas partie de cette catégorie-là. Et donc, que c'est pas obligatoire pour eux de la payer. Il dit, et ça, c'est bien entendu une parole à propos d'Allah, selon ses opinions, qui n'a aucune preuve, qui n'est supportée par aucune preuve. Et qu'est-ce qu'on peut voir en apparence par rapport à cette opinion-là, c'est que la personne qui a dit cette interprétation-là, c'est quelqu'un qui essaie de faire plaisir aux coptes, aux chrétiens coptes. Alors le cheikh dit malheur à celui qui dit des choses à propos du livre d'Allah en se basant uniquement sur ses opinions. Ok. Et puis, comme le cheikh il dit, sur ce point-là, c'est totalement faux ce qu'il dit, parce que la preuve, c'est que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a ordonné aux gens, quand il envoyait quelqu'un, une armée ou quelque chose, il disait, première chose, vous les appelez à l'islam. S'ils acceptent, tu les laisses. S'ils acceptent pas, tu leur offres de payer la jizya. S'ils acceptent, tu les laisses. S'ils refusent, alors là, tu cherches l'aide d'Allah et tu les combats. Donc, c'est pour dire que, de dire que c'est seulement pour ceux qui combattent l'islam, alors que c'est le contraire. La jizya, c'est pour ceux qui refusent de combattre les musulmans et qui veulent payer la jizya. Donc, s'ils voulaient combattre les musulmans, ils n'auraient pas payé la jizya. Donc, c'est des déformations comme ça. Et donc, le cheikh, il dit, « Thalithan, taswiyatuhu bayna al-kafirina wal-muslimina fil wajibati wal-hukuk. » حيث يقول الإخوة المواطنون الأقباط في مصر يخرجون عن هذا النطاق بالقلية منذ أجيال متلاحقة وجميع أهل مصر يعيشون معا مواطنين متساوين في الحقوق والواجبات وقال فالدفاع عن الوطن مما يأمر به الدين الإسلامي أن يدافع المواطن غير المسلم عن وطنه المصري فهو إذن يشارك المواطن المصري في الدفاع عن وطنه ولا مجال لأي تفرقة وقال في البند الثاني من الوفاق الوطني إننا لا نشتغل بتكفير أحد ونقبل من الناس ظواهرهم وعلانيتهم فنحن دعاة لا قضاة وقال كنا أعدنا التذكير بموقفنا الثابت المعروف خصوص إخواننا الأقباط وأنهم إخوة مشاركون في الكفاح لتخليص هذا الوطن من الاستعمار الأجنبي فهم لهم حق المواطنة كاملة المدى منها المادي منها والمعنوي كاملة فهم لهم حق المواطنة كاملة المادي منها والمعنوي. فانظر كيف صرح بأخوة الأقباط للمسلمين، وهذا يتعارض مع الولاء والبراء في الإسلام. وأكد مشهور أن الإخوان المسلمون يقررون حرية الاعتقاد الخاص وحرية إقامة شعائر الدينية لجميع الأديان السماوية المعترف بها، وحرية الرأي والجهر به، والدعوة السليمة إليه في نطاق النظام العام والآداب العامة. Donc il dit ensuite, regardez comment il met à égalité les koufars et les musulmans dans les droits et les obligations. Lorsqu'il dit que nos frères, les concitoyens coptes en Égypte, sortent de ce jugement de la jizya en entier depuis des générations, parce que yani, ils font partie des habitants de l'Égypte et ils vivent avec les concitoyens, ils sont égaux dans les droits et les obligations. Puis il dit par la suite, la défense de la nation et de la patrie, c'est quelque chose qui est ordonné par la religion musulmane. Et il dit que de défendre le citoyen non musulman, que le citoyen non musulman qui défend sa patrie, l'égyptienne, alors dans ce cas-là, il participe. فهو يشارك المواطن المصري في الدفاع عن وطنه. Donc il participe, il est partenaire avec le citoyen égyptien dans la défense de son peuple, dans la défense de sa nation, et donc il n'y a aucune place pour la distinction. Et dans le deuxième article de cet article national, parce que c'est ça l'idée des nationalistes arabes, à l'époque de Jamal Abdel Nasser. Jamal Abdel Nasser, il disait dans ses discours, qu'est-ce qu'il disait? Il disait, le chrétien arabe est meilleur ou est plus aimé que le musulman non arabe. Donc il basait sa wala sur l'arabité ou le fait d'être arabe. Donc le fait d'être arabe pour Jamal Abdel Nasser et les gens de ces nationalistes, c'était le fait d'être arabe, c'est ça qui faisait la fraternité entre eux, non pas l'islam. Donc tu pouvais être communiste, athée, laïque, chrétien, juif, l'important, t'es arabe. Tu parles arabe, ça y est, t'es arabe. Et bien entendu, ça c'est quelque chose qui s'oppose à l'islam, parce que c'est contraire à ce qu'on appelle al-wala wal-bara. Nous, dans l'islam, on ne s'unit pas par rapport à notre race, ou notre langue, ou notre origine. On s'unit par rapport à notre foi et notre croyance en premier. Et la naissance de ce nationalisme arabe dans le monde musulman, ça a fait apparaître plein d'autres formes de nationalisme. Pourquoi? Parce que les autres musulmans qui viennent d'autres ethnies que les arabes se sont sentis mal par la suite vis-à-vis de cette attitude raciste et chauviniste par rapport à l'appel à une identité ethnique plutôt qu'à l'islam. Et là, ils ont commencé à dire bon, mais si c'est comme ça que ces gens-là, ils sont par rapport à leur ethnie et tout, donc nous, on va aussi être fier de notre ethnie et puis appeler à notre nation ou à notre peuple ou à notre origine. Et c'est là que tu as vu apparaître le nationalisme turc, le nationalisme kabyle, le nationalisme amazigh ou le nationalisme africain ou le nationalisme n'importe quelle autre origine, pakistanais et autres, ou iranien ou perse ou autre. Donc c'est pour dire que chaque nation par la suite commençait à se sentir fière de son origine à elle, pour dire ah ben nous on est aussi fiers. Et donc ça c'est cette idée là que on est tous égyptiens, peu importe qu'on soit chrétien, musulman, peu importe la croyance, c'est pas grave, l'important on est citoyen, on est égyptien, puis on est tous ensemble et on doit s'aimer parce qu'on est égyptien. Donc les Ikhwan ils sont aussi en train de manipuler les gens par rapport à cette attitude nationaliste hein, dans cet article-là. Et il dit, dans le deuxième article, il dit إِنَّنَا لَا نَشْتَغِلُوا بِتَكْفِيرِ أَحَدٍ. Il dit, nous, on ne s'occupe pas de faire le takfir de personne. Et quand il dit ça, il parle des chrétiens. On ne fait pas le takfir des chrétiens. Subhanallah. Alors que Allah il nous ordonne de dire que, ou de croire que les chrétiens, les juifs et les autres qui sont mouchriquins, de croire qu'ils sont des koufars. Ça, c'est, et puis ça, ça ne rentre pas dans le takfir qui est blâmable. Hein, comme on a expliqué hier. Le takfir qui est blâmable, c'est quand quelqu'un fait le takfir des musulmans et qu'il fait le takfir sans preuve et sans référence hein, et sans connaissance. Ça, c'est blâmable. Mais la personne qui dit, à propos des juifs et des chrétiens, que ce sont des koufars, ceux-là, bien entendu, ils n'ont pas à être blâmés pour ça, puisque c'est quelque chose qui est clair dans le Coran et dans la Sunna. Donc, il dit, nous, on ne s'occupe pas de faire le takfir de quiconque. Et on accepte tout le monde, selon leur apparence, hein, et leur apparent et ce qu'ils montrent. Et on est des gens qui invitons et non pas des juges. Nous ne sommes pas des juges. Hein, souvent, les gens ils disent ça. C'est pas à toi de juger, faut pas juger, ainsi de suite. Hein. Et bien entendu, pas besoin d'être des juges pour savoir que le christianisme et le judaïsme sont des religions fausses et que ceux qui croient en ces religions-là aujourd'hui ne sont pas des musulmans, qu'ils sont des kuffars. Donc, le simple fait de dire qu'ils ne croient pas au Coran et au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ça suffit pour dire qu'ils ne sont pas musulmans et qu'ils sont kuffars. Donc, sans même mentionner les croyances qu'ils ont, qui sont shirk et kuffr, on peut déjà en partant dire qu'ils sont kuffars, juste le fait qu'ils n'acceptent pas le message d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Après, il dit, on a revu le rappel qu'on avait fait par rapport à notre position au sujet des Coptes, au sujet de nos frères Coptes, c'est ce qu'il dit. Et ils sont nos frères, ils sont nos partenaires dans le fait de libérer notre nation de la colonisation étrangère. Et donc, ils ont le droit d'être des citoyens complètement, dans tous les aspects matériels et dans les choses abstraites et matérielles. Et après, il dit, « فَنْظُرْ كَيْفَ صَرَحَ بِأُخُوَةِ الْأَقْبَاطِ » Regardez comment il a dit ouvertement et clairement qu'il les considérait comme ses frères. Hein? Et ça, c'est en contradiction avec le principe de Al-Wala wal-Bara dans l'islam. Et Mustafa Mashour, le chef des Ikhwan en Égypte, il a dit que, Mustafa Mashour, et de même que les autres Ikhwan, al-Muslimin en général, ils confirment et ils croient en la liberté de croyance de l'individu. Hein, et que chaque personne est libre de croire en ce qu'il veut, au nom de l'islam. A'udhu billah. Donc, il dit, la liberté d'établir les règles religieuses de toutes les religions célestes ou reconnues, et la liberté d'opinion et de dire ouvertement ce que tu penses ou ce que tu crois, et d'appeler à ces idées-là dans les limites du système général du pays et des manières ou du comportement ou des manières de conduite, le comportement général des gens. Donc ça, c'est leur da'wa. Et c'est comme ici, quand il y avait une femme qui s'était présentée, une femme d'origine maghrébine, qui s'est présentée aux élections avec son foulard, son petit foulard, et elle est allée dans une émission de radio, ici à Montréal, puis quand on lui a posé la question, qu'est-ce que vous dites des femmes qui font l'adultère? Qu'est-ce que vous dites des hommes qui boivent de l'alcool? Est-ce que ce sont des bons musulmans? Elle a dit, je peux pas dire ça, c'est pas moi qui juge. Et l'animateur de la radio lui a dit, oui, mais est-ce que dans le Coran, est-ce que Dieu, il dit pas que c'est pas des bons musulmans? Elle dit, je suis pas Dieu pour dire. Après, elle dit, oui, mais est-ce que le prophète, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas dit sallallahu alayhi wa sallam, mais il dit, est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour lui, est-ce que ça, ce sont des bons musulmans? Elle dit, je ne suis pas le prophète pour dire ça. Donc, subhanallah, c'est comment elle refuse de répondre à la question en disant qu'elle n'est pas Dieu et qu'elle n'est pas le prophète. Alors que l'animateur ne lui a pas demandé, est-ce que tu es Dieu, est-ce que tu es le prophète? L'animateur lui a demandé, est-ce que dans la religion, quelqu'un qui fait ça, est-ce qu'il y a un bon musulman ou non? Et de répondre la réponse de ce que Dieu dit ou ce que le prophète dit. Mais elle a refusé même de clarifier ça. Puis au lieu de répondre à la question, elle répond en disant, je ne suis pas Dieu, je ne suis pas le prophète. Et tout le monde sait très bien que tu n'es pas Dieu et que tu n'es pas le prophète. Alors pourquoi répondre par une façon pour se détourner justement de la vérité et de refuser de clarifier la réalité de qu'est-ce que Dieu dit et son prophète dit à ce sujet-là dans le Coran et dans la Sunna. Donc ça c'est des attitudes comment ces gens-là, ils disent non, on n'est pas des juges, on ne veut pas juger. Yani, c'est pas toi le juge, c'est Allah qui juge. Allah il a jugé de ces choses-là dans le Coran déjà et il a clarifié le verdict à ce sujet-là. Donc toi tu n'as qu'à transmettre. Tu n'as qu'à transmettre. وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. La tâche, il n'encombre au prophète que de transmettre d'une façon claire le message. Et c'est ça notre devoir à nous les musulmans, de transmettre le message aux gens. La question, est-ce que les gens vont l'accepter ou pas, ce n'est pas notre problème. C'est-à-dire dans le sens que c'est sûr qu'on souhaite que les gens l'acceptent. Et on veut que les gens l'acceptent et que les gens soient guidés. Mais ce n'est pas nous qui avons le pouvoir de guider les cœurs, c'est seulement Allah subhanahu wa ta'ala qui est capable de les guider. Donc nous, on doit leur transmettre le message, leur donner l'information, et ensuite c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui se charge de les guider. Et si ce sont des gens qui ne méritent pas la guidance et qui s'enflent d'orgueil ou qui rejettent la vérité, Allah les égare. Hein? Et donc, il ne faut pas commencer à essayer de déformer la religion pour plaire aux gens, parce que si tu déformes la religion pour plaire aux gens, ça veut dire que tu n'as pas transmis le message. Tu n'as pas transmis le message, tu as transmis ton message, et non pas le message d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Après, le cheikh, il dit ensuite, donc que ces gens-là, ils croient et ils appliquent la liberté de croyance, hein, et ils disent qu'ils acceptent toutes les religions et que tout le monde peut dire ce qu'il pense, et il y a un état qu'ils respectent le système et la loi du pays. Donc on va s'arrêter ici inshallah, puis on continuera la semaine prochaine bi'idhnillah. On va s'arrêter ici. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.